te si souillé. Elle désobéit au point où Dieu dut la détruire à cause de ses principes et de son essence. Dieu déteste les hommes car il lui résistait. Le salut de Dieu, l'homme continua à désobéir, peu importe comment Dieu l'appelle. Sa grande tolérance, attendant patiemment que l'homme fasse demi-tour, atteignant ses limites, il fit ce qu'il devait faire. Du moment c'était la dernière chance que Dieu donna.